Et ils ont traité de mensonge tout ce qui leur vient du Seigneur, il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se raillent.